écoute prudemment, tu entendras l'air. C'est le premier avertissement, mais sûrement le dernier. Beaucoup d'hommes vont souffrir, beaucoup d'autres vont mourir. Demande pas pourquoi. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Je ne vous mens pas. Chacun doit affronter la réalité. J'ai beau essayer de trouver des réponses aux questions posées, j'ai beau essayer d'expliquer que le temps n'a jamais existé, je ne vous mens pas. Il y a un mystère naturel qui souffle dans l'air. Le souffle, c'est le temps. Si tu écoutes prudemment, tu entendras l'air. Un tel mystère naturel qui souffle dans l'air. Beaucoup d'autres vont mourir. Me demande pas pourquoi. Il y a un mystère naturel qui souffle dans l'air. Je ne vous mens pas. Écoute prudemment, tu entendras l'air. C'est un mystère naturel qui souffle dans l'air. C'est un mystère naturel qui souffle dans l'air. C'est un mystère naturel qui souffle dans l'air. Un tel mystère naturel.